Jérémie chapitre 33. Et la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jérémie, quand il était encore enfermé dans la cour de la prison, en disant, ainsi a dit l'Éternel, qui s'en va faire ceci, l'Éternel qui s'en va le former pour l'établir, le nom duquel est l'Éternel. Crie vers moi, je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées, lesquelles tu ne sais point. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les maisons de cette ville-ci, et les maisons des rois de Juda, elles s'en vont être démolies par le moyen des terrasses, et par l'épée. Ils sont venus à combattre contre les Chaldéens, mais ça a été pour remplir leurs maisons des corps morts des hommes, que j'ai fait frapper en ma colère et en ma fureur, et parce que j'ai caché ma face de cette ville, à cause de toute leur malice. Voici, je m'en vais lui donner la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur ferai voir abondance de paix et de vérité. Et je ferai retourner les captifs de Juda, et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme auparavant. Et je les purifierai de toute leur iniquité, par laquelle ils ont péché contre moi, et je pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils ont péché contre moi, et par lesquelles ils ont péché grièvement contre moi. Et cette ville me sera un sujet de réjouissance, de louange et de gloire, chez toutes les nations de la terre qui entendront parler de Toul, bien que je m'en vais leur faire, et elles seront effrayées et épouvantées, à cause de tout le bien et de toute la prospérité que je m'en vais lui donner. Ainsi a dit l'Éternel, dans ce lieu-ci duquel vous dites, il est désert, ni ayant ni homme, ni bête, dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, qui sont désolées, ni ayant ni homme, ni habitant, ni aucune bête, on y entendra encore la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, et la voix de ceux qui disent, célébrez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, parce que sa miséricorde demeure à toujours, lorsqu'ils apportent des oblations d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Car je ferai retourner les captifs de ce pays, et je les mettrai au même état qu'auparavant, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, en ce lieu désert, où il n'y a ni homme, ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore des cabanes de bergers, qui y feront reposer leurs troupeaux. Dans les villes des montagnes, et dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, dans les environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, et les troupeaux passeront encore sous les mains de celui qui les compte, a dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je mettrai en effet la bonne parole, que j'ai prononcée touchant la maison d'Israël, et la maison de Juda. En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai germer à David le germe de justice, qui exercera le jugement et la justice en la terre. En ces jours-là Juda sera délivré, et Jérusalem habitera en assurance, et c'est ici le nom dont elle sera appelée, l'Éternel notre justice. Car ainsi a dit l'Éternel, il ne manquera jamais à David de m'assis sur le trône de la maison d'Israël. Et d'entre les sacrificateurs lévites, il ne manquera jamais d'y avoir devant moi d'homme offrant des holocaustes, faisant les parfums de gâteaux, et faisant des sacrifices tous les jours. Davantage la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en disant, ainsi a dit l'Éternel, si vous pouvez abolir mon alliance touchant le jour, et mon alliance touchant la nuit, tellement que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera abolie, tellement qu'il n'ait plus de fils régnant sur son trône, et avec les Lévites sacrificateurs, faisant mon service. Car, comme on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, ainsi je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut encore adressée à Jérémie, en disant, n'as-tu pas vu ce que ce peuple a prononcé, disant, l'Éternel a rejeté les deux familles qu'il avait élues? Car par là il méprise mon peuple, tellement qu'à leur compte, il ne sera plus une nation. Ainsi a dit l'Éternel, si je n'ai point établi mon alliance touchant le jour et la nuit, et si je n'ai point établi les ordonnances des cieux et de la terre, aussi rejetterai-je la postérité de Jacob, et celle de David, mon serviteur, pour ne prendre plus de sa postérité des gens, qui dominent sur la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ferai retourner leurs captifs, et j'aurai compassion d'eux.